Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, un drame sensuel et poignant. Suzanne a la quarantaine. Femme de médecin et mère de famille, elle habite dans le sud de la France. Mais l'oisiveté bourgeoise de cette vie lui pèse. Elle décide de reprendre son travail de kiné qu'elle avait abandonné pour élever ses enfants et convainc son mari de l'aider à installer un cabinet. Tu t'es fait mal ? Non, j'ai des coupatures parce que j'ai aidé l'ouvrier à débarrasser l'atelier. C'était beau à en pleurer, quoi. C'est vous qui faites travailler ma femme au noir. Ça m'est tombé dessus, Samuel. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas mentir. Je sais pas faire autrement. Laisse-moi partir. Reste ici. Fais ce que je veux. C'est toi qui es parti. Et tu trouves ça juste que j'ai droit à rien. Il n'y a plus rien sur le coup des vies. Il a été bloqué par votre mari. Tu me fais les poches ? Faut qu'on tienne jusqu'au divorce. Tu n'auras rien, tu le sais. C'est dégueulasse, ne fais pas ça ! Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Je ferai tout ce que tu veux. Partir, un film de Catherine Corsini avec Christine Scott Thomas, Yvan Attal et Sergi Lopez, un DVD Warner Home Video.